je devrais rester couché ou aller me cacher. Mais non, moi, pauvre con, j'accours et je réponds. À la porte, il y a trois types masqués. Le plus gros va parler. Monsieur, voulez-vous nous encourager? On est des anciens prisonniers battus, violés, molestés par la société. On vend des montres à 100$, du chocolat Veignas sur la barre, des tondeuses à gazon, et même des cinémas maison. Finalement, j'hypothèque la maison pour acheter quelques crayons. Ça sonne, c'est le téléphone. Je devrais faire le sourd, me cacher dans la cour. Mais le